allez. Ok, c'est R.O.D. gros, sincère connexion. Ha. Ok, ok. J'arrive sur le beat, j'énonce ce que je vois dans ce monde de fou. Je commence assez vite parce que la merde y'en a partout. Des hypocrites, des terroristes, des gens qui cherchent seulement les sous. Des Sarkozy, des W, des gens qui poussent leur peuple à bout. Vase comme un marais, trop en maison d'arrêt. Rappelle-toi le 11 septembre, c'est Georgie qui se marrait. Mensonges aussi nombreux que les fils d'un médiatisé. Trop de merde, de ragots, de saloperies médiatisées. Toujours les faibles visés, les pauvres qui vont crier. Crois-moi mon frère, aucune envie de nous faire briller. Faudra bien se débrouiller, toujours les mêmes souillés. C'est nous contre la tempête, j'espère au moins qu'on ne va pas rouiller. Trop de sang a déjà coulé, sol de guerre trop foulé. Trop de familles effondrées, innocents dénoncés. Jugement prononcé, cœur brisé annoncé. Certaines personnes nous souhaitent vraiment un avenir bien trop foncé. Je retranscris ma vision d'un monde horrible. Avec un peu d'amour, ça c'est possible. Je fais aussi des tapants avec mon promis. Mais t'inquiète, je le ferai plus, je te le jure, ça c'est promis. Je retranscris ma vision d'un monde horrible. Avec un peu d'amour, ça c'est possible. Et si tes larmes coulent quand je parle de nos vies, bah t'inquiète, je le ferai plus, je te jure, ça c'est promis. Trop de pas sans saveur, trop de merde, plus de cœur. Les gens se battent et se volent pour encore plus de peur. Sentiment d'insécurité surdimensionné, car trop de faux crimes sont souvent mentionnés. Trop diffusés, sûrement trop médiatisés, car énorme est le pouvoir de la publicité. Trop de gens décidés à vouloir tout plaquer, car trop peu résistent au fait d'être claqué. À 15 ans, l'expérience sexuelle est déjà au taquet. Parents du jour, bienvenue dans ce monde de taré. C'est pas de la part. Ah non, simplement la réalité. Sans jouer avec les mots, c'est bien de la merde qu'on a hérité. C'est pas une raison pour noircir ton âme. Ou pour un peu d'argent, aller fracasser un crâne. Mais c'est pas une raison pour noircir ton âme. Ne pense pas que je crois tout savoir, je suis juste un mélomane. Je retranscris ma vision d'un monde horrible. Avec un peu d'amour, ça c'est possible. Je fais aussi des tapants avec mon promis. Mais t'inquiète, je le ferai plus, je te le jure, ça c'est promis. Je retranscris ma vision d'un monde horrible. Avec un peu d'amour, ça c'est possible. Et si tes larmes coulent quand je parle de nos vies, bah t'inquiète, je le ferai plus, je te jure, ça c'est promis. Donc pour conclure, je crois que ça craint. Trop bouffe ce monde en jouant les malins. Tous les problèmes ont déjà été énoncés. Je dirais même plus, ont déjà été dénoncés. Mais ça n'a rien changé. Beaucoup n'ont rien à manger, rien à boire, rien pour défendre le cri de leur espoir. Situation anormale, t'entends le travail. Si la vie est gâchée, imagine le moral. Beaucoup d'erreurs viennent du passé, y'en a vraiment assez. Sentiment de tristesse que personne pourra effacer. Certains ont aucune idée, c'est de nous faire tomber dans un trou. N'ont pas compris que le vrai bonheur n'est pas dans les sous. Avec tout ce mal, j'espère qu'elle tourne la roue. Qu'elle a des clous en métal pour pas rester dans la boue. Avec tout ce mal, j'espère qu'elle tourne la roue. Car j'ai peur du prochain stade, vu qu'on est tous devenus fous. Je retranscris ma vision d'un monde horrible. Avec un peu d'amour, ça c'est possible. Je fais aussi des tapants avec mon promis. Mais t'inquiète, je le ferai plus, je te le jure, ça c'est promis. Je retranscris ma vision d'un monde horrible. Avec un peu d'amour, ça c'est possible. Et si tes larmes coulent quand je parle de nos vies, bah t'inquiète, je le ferai plus, je te jure, ça c'est promis.